60. Témoin muet des récits effacés, écoute le soupir dans les rues glacées. Identité floue, mes limites passées, les frontières se fassent. Le virtuel s'étreint. au rythme, les rêves s'ébauchent. Les langages évoluent, les cultures se faufilent. Le 1060, une énigme. Le Québec à venir, une révolution sans direction.